créature dans l'univers. Nous faisons appel à ta justice, afin de vivre en harmonie, selon ton dessein, au grand éternel et pour tous tes enfants. Jah est le Tout-Puissant. Que cette lumière qui nous éclaire soit une bénédiction, afin de ne pas laisser corrompre l'esprit par la grande Babylone. C'est tous ensemble, tournons-nous vers Zion, demandons le pardon pour tous nos égarements qui nous entraînent dans la perdition, pour ceux d'entre nous qui se laissent aller vers leur destruction. Remercions dès maintenant Jah Jah d'être trop si bon, car Jah est le Tout-Puissant. La voix, suivons les deux de notre cœur bien plus que nos lois. Enseignons-les aux enfants qui puissent les chanter à haute voix. Pas de honte à voir quand l'éternel en fait notre droit. C'est notre devoir d'en faire notre mission pour contre le mal ici-bas. Trop de fois l'homme oubliait son alliance parce qu'il oubliait sa foi. Aujourd'hui des gens cautionnent la guerre, les dégâts. Je peux tomber Éthiopie, prie Jah de stopper l'ignorance de ces gens-là. Car oui, Jah est le Tout-Puissant. Jah est le plus grand. Nous sommes tous ses enfants. Soyons reconnaissants. Et nos divinéants. Éloigne tous les méchants. Soyons heureux. Car l'éternel est vivant. Oh, redoublons d'efforts de prière pour que le dessein de l'éternel s'accomplisse. Je sais qu'un jour partagé, nos idéaux ne sera plus un supplice. Nous nous serons rassemblés pour bannir à jamais les vices. Nos enfants grandiront en paix car ils accompliront la justice. Terminer la suprématie des faux, des hypocrites, leurs complices. Ils auront beau pleurer, demander que Dieu les bénisse. À l'heure du jugement, veux-moi se présenter nu sans malice. Au royaume de l'éternel, pas de police, pas d'artifice, pas de milice. Et pour ça, Jah est le Tout-Puissant. Alors soyons heureux. Jah est le plus grand. Tout le monde, soyons heureux. Yes. Parce que nous aimons chanter, y'en qu'il a pour l'Almighty One.